par quelques années de présence au Mali. Mais que doit-on dire de l'armée malienne dans ce cas? Et quelques années d'expérience, il s'agit de quelle expérience? Observer sans combattre, c'est ce qu'il appelle une expérience? Parce qu'ils n'ont jamais combattu des touristes au Mali. Je me demande, il s'agit de quelle expérience? Vendre du carburant aux touristes, c'est ça l'expérience? Ou encore, recruter, contribuer à recruter pour de faux témoignages, c'est ça l'expérience? Ou c'est avoir la peur des touristes, avoir la peur de ne jamais attaquer des touristes? Aucun village, aucun civil n'a été protégé par leur contingent. Donc je me demande concrètement qu'est-ce qu'ils faisaient ici. C'est pourquoi je dis qu'il ne fait ni chaud ni froid cette annonce. Et ensuite, il ne faut pas voir ça comme un retrait. C'est comme l'annonce de Macron quand il dit la fin de Barkhane. Donc normalement, l'élève suit le maître. Afrique Média, le monde, c'est nous.